Auditeurs, auditrices, radio chevaucheurs, Lisiane vous dit bonjour en ce dimanche matin. 9 février, quoi de neuf? Le congé maladie bientôt hors du bonus-malus des pensions. La pluie revient à petits pas. Anniversaire People aujourd'hui, Gérard Le Normand, demain Natacha Saint-Pierre, mardi nous aurons le Luna. Mardi, pardon, nous aurons Serge Lama. Alors mercredi, Christine Elise, jeudi, Yves Alfonco. Vendredi, Roland Giraud, samedi, Alcel Rett, et dimanche prochain, Richard Ford. Je me souviens de ces matins d'hiver. Vous cherchez où? Les Apollines, bonne fête à vous, et c'est la journée de la langue grecque et des maladies. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants du 1, 4, 5, 19, 20, 37, 39. Pour le Joker Plus, nous avons le 828, 673, signe Verseau. Semaine, vous aurez bien sûr la Saint-Valentin. Saint-Valentin qui veut dire bien sûr d'offrir des chocolats et également des fleurs. Mardi, je serai avec vous après-midi pour parler de la langage des fleurs, donc la rose rouge, l'amour, et est célébré pour sa symboliquement. La rose rouge est la fleur de la passion. We'll be right back. Nous aurons également, pour les auditeurs qui aiment le langage des fleurs, tout ce qui va avec, bien sûr. Je vous en parle plus mardi après-midi dans notre émission « Tous les 15 jours ». Participez à la phrase mystère. À l'occasion de la Saint-Valentin, votre radio vous propose des mots à relever durant les émissions du 2 au 15 février. Un mot par jour vous sera dévoilé, à vous de les récupérer pour nous recréer cette phrase mystère et nous la soumettre le dimanche 16 février de 8h30 à 9h30 au 081 13 86 81. Une phrase par habitation. À la clé des chocolats et une surprise. Le mot de la phrase mystère. Que. Nous. Alors, j'espère que vous avez pris note depuis dimanche dernier avec cette phrase mystère qui sera dévoilée dimanche prochain vers... on prendra vos appels téléphoniques entre 8h30 et 9h30 et pour gagner, bien sûr, ce beau lot, les chocolats et une surprise. Et comme on vient de parler de roses, eh bien, les roses éternelles, si vous aimez quelqu'un, vous voulez le prouver en lui offrant une petite rose éternelle avec des cœurs, pourquoi pas, ils sont bien arrivés à Radio Chevauchoir, vous pouvez venir les chercher. Pour les personnes qui vont bientôt partir en voyage ou alors pour les différentes festivités de Radio Chevauchoir comme dimanche prochain le bingo, n'oubliez pas de réserver votre place. Ce dimanche à la guinguette, nous aurons Josiane Martin dès 14h avec Pascal Viroux, son chanteur. Si vous voulez écrire à Radio Chevauchoir, c'est le numéro 7 rue Le Chevauchoir, 5170 à Lève, ASBL, Radio Chevauchoir. Soutenez votre radio au numéro de compte suivant BE 91 06 323 10 96 976. Vous aimez Claude François, vous voulez voir son sosie, eh bien, on vous propose d'aller le 9 mars chez Glouglou pour aller le voir. Il sera pas seul, il sera avec d'autres artistes, et vous aurez dans ce voyage, bien sûr, le voyage, l'apéritif, le potage, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert et les boissons à volonté. C'est pour le 9 mars, c'est un dimanche. À la mi-février, travail du jour entier. Ou encore, février est le plus court des mois, et le pire 100 fois. Radio Chevauchoir, la radio de vos plaisirs. Ti amor de Franck Galland que nous écoutons sur les antennes de Radio Chevauchoir en ce dimanche matin après l'étoile semaine, qui était l'amour est un mot magique. Téléphonez-nous. Voici votre apéritif musette comme tous les dimanches matins. Bienvenue dans cette émission jusqu'à midi. Nous fêtons les Apollines. Bonne fête à vous. va souhaiter une bonne journée à nos parrains et marraines d'émission et à notre cavalier André Dégueuzé et Micheline de Bambois. Belle journée à tous les deux. Loulou d'Ivoire, parrain et marraine Didier, François, Josette, Émile, Josette, Francine, Alain, Denis, Nicole d'Andois, Papy Georges, Luz de Metten, Nicole de Salzine, Simone de Denis, Robert et Yves, Gisèle de Jeff, Karine et David, Gilles, Marie-Thérèse, Monique et François, de Dorine, Eliane de Profondville, Monique de Buzet, Marie-Josée du Gournois. Merci, parrain et marraine.